Deba Bharata Biswas, secrétaire général du comité central du bloc en avant de toute l'Inde, a publié le 12 juin un entretien pour féliciter la réussite du 7e congrès du Parti du Travail de Corée. Il a témoigné du soutien agissant au rapport d'activité du comité central du parti prononcé par le camarade Kim Jong-un et félicité chaleureusement sa promotion au poste de président du Parti du Travail de Corée.